بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نبدأ اليوم في تفسير سورة الليل. On commence aujourd'hui l'exégèse de سورة الليل وهي سورة مكية. C'est une sourate qui fut révélée durant la période mécoise. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit après le basmala wal layl idha yaghsha, par la nuit lorsqu'elle enveloppe, wan nahari idha tajalla, et par le jour lorsqu'il apparaît, lorsqu'il éclaire, wa ma khalaqa adh-dhakara wal untha, par celui qui a créé le mâle et la femelle, ou par la création du mâle et de la femelle. Inna sa'yakum la shatta. Certes, vos efforts sont divergents. Fa aqsama Allahu ta'ala bil layl. Wa qala ba'du ahli al-'ilm idha yaghsha ay yaghsha an-nahar. Wa qala akharun idha yaghsha al-ard. Et donc Allah Ta'ala, il a juré par la nuit. Certains gens de science, ils disent idha yaghsha, lorsque celle-ci, elle enveloppe, c'est-à-dire lorsqu'elle enveloppe an-nahar, le jour. Et d'autres qu'ils disent par la nuit, lorsqu'elle enveloppe la terre. Wal-ma'nayan sahihan, inshallah. Et les deux significations sont correctes, inshallah Ta'ala, il n'y a pas de contradiction entre ça et ça. ثم أقسم الله بالنهار. Et ensuite Allah il a juré par le jour lorsqu'il apparaît clairement, إذا ظهر. والنهار ضد الليل. Et le jour c'est le contraire de la nuit. Ensuite Allah Ta'ala qui jure et qui dit وما خلق الذكر والأنثى. Et donc comme je l'ai cité dans la traduction, il fut dit وَخَلْقُ الذَّكَرْ أَوْ وَمَنْ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. Et donc, أَيْهُ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Et donc, comme j'ai cité dans la traduction, donc certains savants, ils ont dit, ce qui est voulu par là, c'est celui, par celui qui a créé le mâle et la femelle. Et c'est Allah تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Et d'autres savants, ils disent, وَخَلْقُ et donc ce qui est voulu par là, c'est par la création, parce qu'on a mel masdariya, la création du mâle et de la femelle. Fa imma anna Allah ta'ala aqsama bi khaliqi adh-dhakari wal untha fa aqsama bi nafsihi aw annahu aqsama bi khaliqi adh-dhakar wal untha. Et donc soit Allah tabaraka wa ta'ala il a juré par celui qui a créé le mâle et la femelle, c'est-à-dire qu'il a juré par lui-même, ou alors il a juré par le fait qu'il a créé le mâle et la femelle. Wa ta'ammalu ayyuha al-ikhwa fi hadhihi al-'alaqa. Méditez, ô mes frères, sur ce lien. Hadhihi al-mar'a allati tatma'innu ila zawjiha. وهذا الرجل الذي يطمئن إليها. Cette femme qui trouve de l'apaisement chez son époux. Et cet homme qui lui aussi va trouver de l'apaisement chez elle. وكون كل منهما محتاجا إلى الآخر. Et le fait que chacun des deux époux ait besoin de l'autre. فمن تأمل في هذه العلاقة وهذه المحبة قد يفكر بعد ذلك في قدرة خالق هذه المحبة والمودة بين العباد. Celui qui va méditer sur ce lien, sur cet amour, va par la suite méditer sur la puissance de celui qui a créé ce lien, cet amour entre ses serviteurs. Aujourd'hui, certains veulent essayer de créer des robots qui ressemblent aux hommes, etc., etc. Comment tu fais ce sentiment d'amour? Un robot qui te dit, qui montre qui aime. Un robot qui ressent le sentiment, qui aime son frère. Comme on a aujourd'hui, donc Younous qui va nous dire, ah, Ali, je t'aime en Allah. Parce qu'il ressent ce sentiment d'amour. Un sentiment qu'on ne peut pas expliquer. Et nous le croyons, Ibrahim, lorsqu'il parle de l'amour et qu'il arrive à ta'rif, la définition. Il dit, ta'rifu ismuhu. Le ta'rif, la définition de l'amour, c'est son nom. C'est ça la définition de l'amour, c'est son nom. Il n'y a rien de plus clair que son nom. Allez, va l'expliquer. Et maintenant, après que tu l'as expliqué, va la mettre dans un robot. Allez, vas-y. Et donc, cela nous montre, les frères, la puissance d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Celui qui a créé ces créatures et qui a créé aussi en eux les sentiments qu'ils vont ressentir. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit « Inna sa'yakum la shatta » Certes, vos agissements sont divergents. « Aïe minan nas man ya'malu salihan wa minhum man ya'malu sayyi'at » C'est-à-dire qu'il y a des gens, il y a parmi les gens ceux qui vont accomplir des actes de piété. Et parmi eux, ceux qui vont accomplir de mauvaises actions. Et donc les œuvres des gens divergent, elles ne sont pas pareilles. Certains font de bonnes actions, d'autres de mauvaises. Wa antum tulahidun ayyuha al-ikhwa anna Allah ta'ala aqsama fi awwal as-surah bi umurin mutadadda. Vous remarquez les frères que Allah tabaraka wa ta'ala il a juré au début, il a juré donc dans le début du verset par des choses qui sont contraires. Elles sont opposées. Fa'aqsama bil-layl wan-nahar. Il a juré par le jour, par la nuit. Wal-layl didd-nahar. La journée c'est le contraire. Donc la nuit c'est le contraire de la journée. Wa dhakara Allah ta'ala adh-dhakara wal-untha. Et Allah il a cité le mâle et la femelle qui sont contraires aussi. Faqala ahlu al-ilm إن الله تعالى ذكر هذه الأمور المتضادة لكونه أقسم على أمر على أمور متضادة. Ils ont dit Allah tabaraka wa ta'ala il a cité lorsqu'il a juré il a cité ces choses qui sont contraires parce qu'il a juré sur quelque chose ou sur des choses qui sont contraires, les œuvres de bien et les œuvres du mal. Les actes, les agissements des créatures divergent. Certains veulent le bien, certains veulent le mal. وكذلك في الحديث المشهور كل الناس يغدو. Tous les gens s'efforcent. Ils font des efforts, ils vont agir. فَبَائِعُ النَّفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا. Il y a celui, donc parmi les gens, qui va vendre son âme à Allah tabaraka wa ta'ala, dans l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme on avait parlé lorsqu'on avait parlé du commerce, de faire du commerce avec Allah tabaraka wa ta'ala, le meilleur des commerces. C'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit à son compagnon, il a dit, « Fekod rabihat tijaratuk. » Ton commerce était fructueux. Pourquoi? Parce qu'il a fait un acte dans l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc cette personne qui va accomplir ce que Allah lui ordonne, délaisser ce que Allah lui interdit, elle fait un commerce avec son Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Et donc qu'est-ce qu'elle fait cette personne? « Femu'atiquha. » Elle libère son âme. Elle la libère. Wa khilafu dhalik, le contraire. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, aw mubiquha. Il y a celui qui va jeter son âme dans la perdition. Wal ajib ayyuha al-ikhwa anna ha'ula alladhina yughriquna anfusahum fi adh-dhunubi wal ma'asi يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ أَحْرَارٌ. Ce qui est surprenant, les frères, c'est que ces gens qui vont noyer leurs âmes dans les péchés, dans la désobéissance, ils pensent qu'ils sont libres. Ils se croient libres. Ah ouais, nous, on est bien, on est libres, on fait ce qu'on veut. Antum al-muslimuna fi sijn. Vous, les musulmans, vous êtes dans une prison. Yajib alayka an tusalli khams marrat. Tu dois prier 5 fois par jour. Zawjatuk tatasattar. Ta femme, elle doit se couvrir. Antum fi sijn. Et donc, ils se pensent libres. Wa hum la yadrun. Annahum fi sijn ash-shaytan. Et ils ne savent pas qu'ils sont dans la prison du diable. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fi hadha al-hadith, dhakara anna al-muti'a li rabbih mu'tiqun li nafsihi. Celui qui obéit son seigneur, il libère son âme. Il la libère, li anna as-surur wal-itminan fi ta'ati Allah tabaraka wa ta'ala wa dhikri. Le bonheur et l'apaisement se trouvent dans le rappel d'Allah tabaraka wa ta'ala et dans son obéissance. Et donc ces gens sont enfermés dans la prison du diable et ne le savent pas. Thumma qala Allah ta'ala. Ensuite Allah ta'ala il dit: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. En ce qui concerne celui qui a donné et qui a été craintif, qui craint son Seigneur et qui a cru en Al-Husna, qu'on va expliquer tout à l'heure, alors nous allons lui faciliter pour Al-Yusra. On va lui faciliter l'accomplissement de bonnes œuvres, des actes de piété. فَمَنْ أَعْطَى كُلَّمَا أُمِرَ بِإِعْطَائِهِ. Alors celui qui donne tout ce qui lui a été ordonné de donner. Ce n'est pas juste l'argent. مِنَ النَّاسِ مَنْ يَظُنُّ أَنَّنَا أُمِرْنَا بِإِعْطَاءِ الْمَالِ فَقَطْ. Certaines personnes pensent qu'il nous a été ordonné de donner de l'argent فَقَطْ. بَلِ الْعِلْمِ. La science. لا يجوز أن تكتم ما تعلم. Il ne t'est pas permis de cacher ce que tu sais. ترى الناس في المعاصي والذنوب والبدع والمخالفات والشرك ثم تسكت. لا يجوز. Tu vois les gens dans les péchés, dans le polythéisme, dans l'innovation, et ensuite tu te tais. Ce n'est pas permis. Il t'a été obligé, il t'a été rendu obligatoire de faire inkar al-munkar, de reprocher le blâmable. Fanta tata'allam wa tubayyin lin-nas. Alors tu apprends et tu montres aux gens. Et donc celui qui donne ce qui lui a été rendu obligatoire de donner, wa taqa, et qui craint son Seigneur, yakum yajtanib ma manahahu Allahu an, il délaisse ce que Allah a interdit, wa saddaqa bil husna, et qui a cru en al-husna. Certains savants ils disent al-husna ay al-jannah. Ils disent celui qui a cru au paradis. Pourquoi? Parce que Allah tabaraka wa ta'ala il dit dans son livre lil-ladina ahsanu al-husna wa ziyada. Pour ceux qui ont été bienfaisants, il y aura al-husna, la meilleure des récompenses, wa ziyada, et un rajout. La meilleure des récompenses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué en disant Al-Jannah. Al-Jannah. Wa ziyada, c'est Al-Nadhar ilallahi tabaraka wa ta'ala. Le rajout, c'est le fait de regarder Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc certains savants, ils disent ici, ce qui est voulu, c'est le fait de croire au paradis. D'autres, ils disent là Al-Murad annahu yusaddiqu bi kalamillahi ta'ala. Il croit, il a foi en la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Li anna khayra al-hadith kalamullah. Parce que la meilleure des paroles est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Al-husna, ils te disent al-maqulatul husna. La meilleure des paroles, la plus belle des paroles. Et certains savants ils disent al-husna, la meilleure récompense. فهذا الذي اجتمعت فيه هذه الأمور يسر الله له طرق أي طرق الخير. Celui qui a toutes ces choses qui se sont rassemblées en lui, toutes ces caractéristiques réunies en lui, alors Allah tabaraka wa ta'ala va lui faciliter les voies du bien, l'accomplissement du bien, des bonnes actions. لذلك أيها الإخوة الحسنة ثوابها الحسنة التي بعدها. La bonne action, la récompense de celle-ci, c'est la bonne action qui la suit. Tu fais une bonne action, celle-ci va t'aider à accomplir une bonne action. وسيئة كذلك. Et la mauvaise action aussi. Sa rétribution, c'est la mauvaise action qui la suit. Et donc la mauvaise action va entraîner une mauvaise action. Ainsi de suite. Voilà pourquoi quand on voit nos frères qui commencent à faire des péchés, etc., tu commences à craindre. Souvent ça commence comme ça. Des péchés, des péchés, des péchés, des péchés, des péchés, et ensuite, tu ne le vois plus à la mosquée. Ça continue, ça continue, ça continue, ça continue, ça continue. Jusqu'à ce qu'un jour, tu entends, ah, miskin, il a apostasié ou autre. Parce qu'on néglige l'impact des péchés sur notre cœur. On néglige cet impact sur notre cœur. On a tendance à oublier que ce péché va t'entraîner vers un autre péché, ainsi de suite. Effet boule de neige. Jusqu'à ce que tu arrives en bas de la montagne. Voilà pourquoi il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Tu vois ton frère qui commence. Vas-y, va avec lui avant qu'il ne soit trop tard. Reste avec lui, reste à lui, reviens. Tu es tombé, c'est vrai, mais reviens, reviens. Crains Allah, tabaraka wa ta'ala, Allah, il va t'aider. Ne fais pas comme ceux que lorsqu'ils entendent que leur frère, il a fait un péché, ah, il est où, attends, je vais le piétiner moi aussi, je vais lui mettre un coup. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'ils étaient les salafs. Tu vois ton frère qui est tombé dans des péchés, alors prends-le par la main, aide-le. Unsur akhak. Zaliman ou mazloum. Soutiens ton frère, qu'il soit injuste ou opprimé. Qu'il soit injuste ou opprimé. Tu dois le soutenir, tu dois l'aider. Et Akhi, délaisse ce que tu fais. Viens, c'est mieux pour toi, viens à la mosquée. Et celui qui fait le contraire de cela, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, celui qui fait le contraire de cela, ay wa amma من بخل واستغنى. Celui qui est avare et se sent autosuffisant, il n'a pas besoin de son Seigneur. يستغني عن عبادات الله تبارك وتعالى. Il se passe de l'adoration d'Allah تبارك وتعالى. وكذب بالحسنى. Il rejette, il ne croit pas en الحسنى. فسنيسره للعسرى. Alors nous allons lui faciliter l'accomplissement, ils disent les savants, du mal. L'accomplissement du mal. Voilà pourquoi la mauvaise action entraîne la mauvaise action. Fait et taqwa ayyuhal ikhwa amruha azim. La crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala, la taqwa, c'est vraiment un sujet très important. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Celui qui craint Allah, il lui accorde une issue, un secours. Et lui accorde une subsistance de là où il ne s'attend pas. Il y a deux types de subsistance, on l'a déjà dit. La subsistance qui fait vivre le corps. L'argent, la nourriture, les demeures. Et la science qui fait vivre le cœur. Al-ilm. Faturidu an tata'allama dinak. Ittaqillaha ta'ala. Tu veux apprendre ta religion? Crains Allah tabaraka wa ta'ala. Turidu an tuqima al-layl. Tu veux faire du qiyam al-layl. Crains Allah tabaraka wa ta'ala. Délaisse les péchés. Délaisse les péchés et crains ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Voilà ce dont nous avons besoin. Voilà ce qui est très important, les frères. Car ces bonnes actions que tu vas accomplir vont t'entraîner vers le bien. Et les mauvaises vont t'entraîner vers le mal. On va arrêter là pour aujourd'hui. Inch'Allah ta'ala. Et on continue. بإذن الله la semaine prochaine inshallah on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder la réussite, il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا.